qui est là. Oh, je clique et je l'entends. C'est Nawak. En bas, dans la petite roue, en l'écran, là où il y a. Estás. My groovy man, el bajo, me mueve el alma. No, el bajo, me mueve la vida. Tú sé cómo se mueve la tristeza, como se me la cambió en otra cosa. Tú sé cómo el bajo ayuda a la gente. Sí, sí, nunca nadie, jamás. Jamás nadie. Jamás nadie. Ha visto un solo de bajo, sí. Disrupción, sí. Perderse la atención, no. No sabes que me. Eso es una bromita. Oh, que concomito. De la risa en la boca, sin nada, nada, sin nada, sin nada, sin nada, sin nada, nada. Base from pastero de mi tierra, la France. Battu les oreilles du changement. Dis, dis, tiens, j'y repasse un petit moment. Thank you. sans Rio en cagoulé, sans Rio en cagoulé, sans Rio en cagoulé, ils nous ont tous gazé. Si tu voyais, si tu voyais, heureusement et all est de notre côté. Le plus souvent, comme ils savent pas se projeter, le vent, je t'emmène au vent. Viens, je t'emmène. Viens, je t'emmène au vent. Bien souvent. Ils se sont même gazés, tu sais bien, je t'emmène. Au vent, ils se sont eux-mêmes, mucha policía. día. No sé cómo te encontraría en mi cama mágica. Quizás borraré allá, seré tu paja, tu parrerito en su cama incito. Cada día volaré, volaré por allá. Oh yeah, that was rough and not the best.

à droite. Non, rien ne bouge à gauche. Un truc en mi, les copains, puisque je vois que vous écoutez. Ah, moi, je vais proposer du modal à chaque fois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais proposer du modal à chaque fois. Par exemple, ah, moi je vais envoyer des trucs en 16 aussi, hein. Vous entendez pas? C'est nul, ça vous plaît pas. Thank you. raté. J'ai raté le tour entier. à nu. J'ai bugué du coup. Thank you.